Unité 3, entraînement au DELPH A1, compréhension de l'oral, les clés de l'association dialogue-image. Exemple, situation 1. Ce tableau est très joli. Moi, je ne l'aime pas du tout.